Aujourd'hui, dans le cadre du 700e numéro inédit d'Affaires Sensibles, on va finir par le savoir. L'histoire d'un homme d'État français au nom connu de tous, Léon Blum. Depuis sa mort en 1950, tout a été dit sur lui. Le socialiste, bien sûr, leader et incarnation du Front Populaire, maître d'œuvre de la semaine de 40 heures et des congés payés, deux immenses réformes sociales et humanistes. Homme de lettres, amoureux de l'histoire et des mots, réformiste, toute la panoplie du grand homme. Reste le duel politique acharné qu'il a mené contre l'extrême droite et en particulier contre Philippe Pétain, un moment évidemment important dans son parcours. Lorsque le vainqueur de Verdun accède au pouvoir, après la défaite militaire de 1940 et plonge la France dans l'indignité, l'une de ses premières décisions est d'enfermer et de juger le leader socialiste Léon Blum. Car le fantasme du vieux maréchal à la peau dure, il est persuadé que les mesures de Blum ont rendu les Français vulnérables et incapables de se défendre contre l'envahisseur nazi. C'est donc en pleine fièvre collaborationniste, un jour d'octobre 42, que le procès de Léon Blum s'ouvre à Rion. Grâce à une plaidoirie magistrale, l'homme du Front Populaire s'affirme comme le défenseur d'une longue tradition républicaine française. L'accusé devient accusateur. Le procès est un camouflet pour Pétain, son gouvernement et ses courtes vues. L'histoire du duel entre Blum et Pétain, que tout oppose, c'est aussi l'histoire d'un combat entre deux idées de la France, deux doctrines qui se sont affrontées dès la fin de la Première Guerre mondiale. Exceptionnellement donc, nous vous proposons de couvrir cette histoire en deux épisodes, aujourd'hui et demain. Notre invité, aujourd'hui, Frédéric Monnier, historien, spécialiste de la Troisième République, auteur de « Léon Blum, la morale et le pouvoir », paru chez Armand Collin en 2016. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Guillaume Malandras, coordination Christophe Barrère, réalisation Hélène Bizio. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. « 16 octobre 1941, Vichy, matinée brumeuse. » Dans une chambre de l'hôtel du Parc, transformée en studio radiophonique, quelques techniciens s'affairent. Ils posent un micro sur un trépied, puis procèdent au dernier réglage sur l'émetteur. Le chef de la France occupée, le maréchal Pétain, est attendu d'une minute à l'autre. Il doit s'adresser aux Français. Voilà plus d'un an que la défaite contre l'Allemagne a bouleversé le pays. Après la mise en échec de l'armée française par la Wehrmacht, l'armistice est signé le 22 juin 1940 par le chef du gouvernement, un officier de 85 ans, connu comme le vainqueur de Verdun, Philippe Pétain. Conservateur et rigoriste, il s'est imposé rapidement comme le chef d'un pays pétrifié. Depuis, son projet politique tient en un mot, collaboration. À peine trois semaines plus tard, le 10 juillet, il obtient les pleins pouvoirs de l'Assemblée. Depuis, la France est coupée en deux. La partie nord est entièrement sous contrôle allemand. La partie sud est aux mains d'un gouvernement collaborationniste basé à Vichy, que le maréchal dirige d'une main de fer. Le pays est sous la coupe d'une dictature, alliée docile et servile de l'Allemagne nazie et de sa doctrine criminelle. À Vichy, à Paris et ailleurs, les gens baissent leur tête et comptent leurs tickets de rationnement. La presse est muselée, les lettres de dénonciation pleuvent, tout le monde se soupçonne, les familles se déchirent. C'est également l'heure du marché noir. Et dans la foulée, plusieurs organisations paramilitaires se sont constituées à l'image du service d'ordre légionnaire, le SOL, dirigé par Joseph Darnan, dont voici un discours. Sortie du plus profond de son peuple, chair de sa chair, vous aurez l'honneur de servir chaque jour, obscurément, dans la tâche quotidienne du redressement français, de donner peut-être votre sang, votre vie, avec pour seule récompense la joie d'avoir servi. À genoux ! Je m'engage sur l'honneur à servir la France et le maréchal Pétain, chef de la Légion, à consacrer toutes mes forces à faire triompher la Révolution nationale et son idéal, suivant les ordres de mes chefs et la discipline librement acceptée du SOL. SOL, debout ! Debout ! De la parole aux actes, Darnand s'engagera très vite dans la Waffen-SS. 16 octobre 1941, le spectre de la défaite militaire hante encore tous les esprits. En début de soirée, Philippe Pétain arrive dans la chambre de l'hôtel du Parc, transformé donc en studio. L'objectif de son allocution est simple, désigner les responsables de la débâcle, du moins ses responsables, puis les jeter en pâture à l'opinion. Pour Pétain, on trouve les coupables en premier lieu parmi les hauts responsables de la Troisième République, les dirigeants de cette gauche sociale et au nid qui ont rendu les Français fainéants, selon Vichy. Particulièrement, deux anciens présidents du Conseil, le radical Édouard Daladier, mais surtout le socialiste Léon Blum. Il ordonne leur arrestation sur le champ. Le maréchal Pétain, chef de l'État, vous parle. Le Conseil de justice a estimé à l'unanimité que la détention dans une enceinte fortifiée, la peine la plus forte prévue par l'acte constitutionnel numéro 7, devait être appliquée à messieurs Édouard Daladier et Léon Blum, ainsi qu'au général Gamelin. J'ordonne, en conséquence, la détention de ces trois personnes au fort du Portalet. Pour Pétain, cette allocution est la première étape d'un processus censé rendre justice et punir les responsables de la défaite. Le point d'orgue est prévu pour l'année suivante avec la tenue d'un grand procès à Rion dans le Puy-de-Dôme. En attendant, Léon Blum est donc arrêté puis embarqué dans un véhicule militaire direction le fort du Portalet, une enceinte fortifiée perdue dans la nature pyrénéenne. À son arrivée, l'ancien leader socialiste découvre une bâtisse froide, battue par les vents. Entouré de deux poignées de garde, il est conduit dans sa cellule, une pièce étroite et profonde, peinte à la chaux. Sur une petite table, l'homme met des photos de famille, un bouquet de fleurs séchées et range ses livres. Alors, à quoi pense Léon Blum pendant ces semaines d'enfermement? Eh bien, sa défense. Il doit peaufiner la plaidoirie de son futur procès. Lui, l'homme du Front Populaire, va devoir répondre des choix politiques dont il est si fier. Les 40 heures, les congés payés, la nationalisation des industries d'armement. Trois réformes d'hier, devenues aujourd'hui chef d'accusation. Léon Blum est né 69 ans plus tôt, à Paris. Ses parents, qui s'aimaient tant, Adèle et Abraham, tenaient un commerce de rubans. La religion juive, il ne l'a jamais vraiment pratiquée, non. Il s'est plus construit dans la cour du lycée Henri IV, où il voulait déjà confronter ses idées et animer des débats enflammés à l'aube d'un XXe siècle rempli de promesses. Un siècle qui, hélas, sera celui de la tragédie. Après les études brillantes de lettres et de droit, le jeune Léon Blum commence une carrière dans la haute fonction publique, comme auditeur, puis magistrat au Conseil d'État. Nous sommes en 1895, année du premier film des Frères Lumière, de l'électricité, du vélocipède et des canotiers. Il a alors 23 ans. Mais le jeune homme nourrit d'autres ambitions, littéraires surtout. Alors, après sa journée de travail, il arpente les librairies du Quartier Latin et dévore les livres qu'il trouve sur son chemin. Dans sa chambre de la rue du Luxembourg, il se prend de passion pour Stendhal, découvre Goethe. Et bientôt, le virus de la littérature le pousse à noircir ses premiers carnets. Au tournant du siècle, Blum démarre une activité de journaliste littéraire en parallèle de son travail au Conseil d'État. Il collabore à plusieurs revues, écrit de nombreuses critiques de livres. Au même moment, il rencontre une militante socialiste, Thérèse Pereira, et à son contact, il affirme ses convictions, à gauche toutes. En 1907, il se prononce pour la liberté sexuelle avant le mariage, pour les hommes comme pour les femmes, dans son essai « Du mariage », dont voici un extrait. L'homme et la femme sont d'abord polygames, puis, dans l'immense majorité des cas, parvenus à un certain degré de leur développement et de leur âge, on les voit tendre vers la monogamie. Le changement consiste à ne se marier qu'au moment où l'on se sent disposé pour le mariage, quand le désir de l'aventure a fait place, par une révolution naturelle, au goût de la fixité, de l'unité et du repos sentimental. En dissociant le sexe de l'amour, Léon Blum va ouvertement à l'encontre des mœurs de l'époque. Et forcément, à sa parution, le livre provoque un petit scandale salvateur, et avec lui, la littérature se fait politique. Très vite, à la passion des livres se joint celle des idées, et les réflexions du jeune Blum, toujours plus nombreuses, le poussent à affirmer sa vision du monde. Une orientation socialiste, libérale et avancée sur le terrain des mœurs, résolument tournée vers le soutien aux plus démunis sur le terrain social. Car Blum en est convaincu, la justice sociale est le premier devoir de l'État. D'ailleurs, dès 1905, il adhère à l'ancêtre du Parti Socialiste, appelé alors Section Française de l'Internationale Ouvrière, ou SFIO, un titre qui perdurera jusqu'au début des années 70. Pourtant, l'engagement politique de Léon Blum reste modeste. Et c'est la première grande tragédie du siècle qui va le pousser à entrer dans l'arène, la Première Guerre mondiale. Un conflit qui marque durablement tous les hommes et toutes les femmes de sa génération, la Première Guerre, matrice de la violence du siècle. L'espoir d'un monde meilleur est pacifié, meurt aux côtés de millions de soldats sur les champs de bataille de la Somme et de la Meuse. 4 ans d'enfer sur terre. 11 novembre 1918. À l'annonce de l'armistice, une formidable explosion de joie secoue Paris, Londres, New York. Des millions d'hommes sont morts pour leur patrie, mais le long cauchemar prend fin. La guerre des Boers se termine par une victoire totale. Partout, les foules s'abandonnent à la griserie de survivre dans un monde assuré d'être libéré à jamais de la guerre. Un an à peine après la fin des combats, en 1919, Léon Blum fait son entrée dans le monde politique. Il est élu député de la Seine. La Grande Guerre a créé 2 camps rivaux à l'intérieur de la SFIO. D'un côté, majoritaire, les partisans d'un marxisme révolutionnaire pur et dur, de l'autre, les réformateurs. Il faut dire que l'énergie révolutionnaire bolchevique, née en 1917, a créé un vent d'espoir pour de nombreux socialistes de par le monde. Mais pas chez Léon Blum, qui prend rapidement ses distances avec le socialisme totalitaire de Lénine. Toute sa vie, il conservera cette ligne progressiste, républicaine et démocratique, héritée de Jaurès. Sur les bancs de l'hémicycle, son sens du verbe et son charisme lui font monter les échelons de l'appareil socialiste. Mais bientôt, le torchon brûle entre les différents courants de la SFIO et très vite, les dirigeants se déchirent. En décembre 1920, le divorce est consommé lors du congrès de Tours. Sur scène, Léon Blum prononce son premier grand discours. L'homme de 48 ans joue la carte de l'apaisement et enjoint ses camarades à envisager ce qui les unit plutôt que ce qui les divise. Redressé devant le pupitre, il chausse ses lunettes cerclées et s'adresse avec dignité à ceux qui ne pensent pas comme lui. Nous sommes convaincus, jusqu'au fond de nous-mêmes, que pendant que vous irez courir l'aventure, il faut que quelqu'un reste garder la vieille maison. Dans cette heure qui pour nous tous est une heure d'anxiété tragique, n'ajoutons pas à notre douleur et à nos craintes. Sachons nous abstenir de tout ce qui serait déchirement fratricide. Les uns et les autres, même séparés, restons des socialistes. Malgré tout, restons des frères qu'aura séparé une querelle cruelle, mais une querelle de famille, et qu'un foyer commun pourra encore réunir. Un certain sens de la synthèse, comme on dirait aujourd'hui chez les socialistes, ou ce qu'il en reste. Malgré cet appel à la rupture entre ces 2 gauches irréconciliables, comme on dirait encore aujourd'hui, elle semble inévitable. Les partisans de la lutte révolutionnaire créent donc leur parti, qui deviendra peu après le Parti communiste français. De son côté, Léon Blum poursuit son action politique au sein de la SFIO. Il devient président du groupe parlementaire à l'Assemblée. Dans les mois et les années qui suivent, il choisit ses combats et livre des batailles idéologiques sans merci face à ses adversaires. Il gagne de l'assurance et bientôt il devient l'un des plus fameux tribuns de l'hémicycle. Mais une nouvelle fois, l'histoire le rattrape. « À la fin des années 20, une crise économique sans précédent s'abat sur le monde. Démarrée par le krach boursier de Wall Street en 1929, l'onde de choc atteint les côtes françaises au début des années 30. Le franc est dévalué, les usines ferment et le chômage touche bientôt 340 000 personnes. Les gouvernements se succèdent, incapables de répondre à la crise. La République ne se meurt pas encore, mais elle semble bien essoufflée. Surtout que, dans toute l'Europe, le parlementarisme est sous le feu de la critique. Les régimes démocratiques n'ont pas su protéger les populations des dangers de la spéculation et du capitalisme dérégulé. Alors les populismes reprennent des couleurs. Les partis d'extrême droite fleurissent un peu partout. Ainsi, le 6 février 1934, cette mouvance politique issue de la colère plus que de la réflexion s'exprime bruyamment lors d'une grande manifestation devant la Chambre des députés à Paris. Très vite, l'événement tourne à l'émeute et le bilan est tragique. On dénombre 31 morts et près de 2000 blessés. Paris, 6 février 1934. Des mesures de précaution sont prises par le gouvernement. Des renforts de police et même des troupes venues des environs de Paris défilent dans les rues. Les abords de la chambre sont gardés. Vers la fin de l'après-midi, les premières bagarres éclatent place de l'Opéra. Peu après, la foule est dispersée place de la Concorde. Deux heures plus tard, au même endroit, l'ordre est donné de tirer sur la foule. Le lendemain, ces entêtes de journaux montrent que les manifestants avaient obéi au même mot d'ordre provenant des partis les plus opposés. Dans toute l'Europe, la progression de l'extrême droite semble aussi irrésistible que brutale. Ces idées-là ont le vent en poupe. En Italie et en Allemagne, Mussolini et Hitler ont déjà pris le pouvoir. En France, la droite conservatrice et réactionnaire prend aussi du poids dans le débat public. De nombreux groupes pullulent à l'image des royalistes de l'Action française et régulièrement, leurs dirigeants prennent pour cible la communauté juive, accusée de vouloir détruire les valeurs ancestrales françaises. D'ailleurs, les antisémites français ont trouvé leur cible. Léon Blum, un gauchiste débauché, efféminé même, qui fait l'apologie du sexe en dehors du mariage et qui prône l'avènement d'un état social, hérésie. Le péril fasciste semble frapper à la porte de la maison France. Du côté de la gauche, on se doit de réagir. Et même si des querelles persistent entre socialistes et communistes, les deux grands partis veulent affirmer leur opposition à l'extrême droite. Ainsi, une semaine après les émeutes, le 12 février, ils appellent à une journée de manifestation. Au départ, les deux cortèges restent distincts, mais rapidement ils se mélangent. Au milieu de la foule, Léon Blum se lance dans un discours dans lequel il appelle à l'union de toute la gauche. Citoyens, la preuve est faite. La province soulevée tout entière. Paris rassemblée dans cette manifestation signifie aux hommes du fascisme et du royalisme qu'ils ne passeront pas. La réaction ne passera pas. Vive la République des travailleurs. Vive la liberté. Vive l'unité prolétarienne sans laquelle aucune victoire n'est possible. Vive le peuple ouvrier de Paris. Finalement, quelques mois plus tard, le 26 juin 1934, Maurice Thorez poursuit la ligne tracée par Léon Blum et annonce son intention d'entrer dans une unité d'action de la gauche. La voie pour un front populaire vient de s'ouvrir. C'est tout le pays qui frémit d'impatience, c'est tout un peuple qui réclame du pain. Vas-y sans peur, tente ton expérience, nous sommes là pour faire taire les coquins. Vas-y Léon, défends ton ministère, Vas-y, Léon, faut que Marianne ait raison, car Marianne est une aumônière, et les ailes de son moulin doivent tourner pour les prolétaires, pour que les gueux ne créent plus de faim, de faim, de faim. Il faut, Léon, c'est la paix dans le monde. Commençons donc à la faire chez nous. À bas le canon qui gronde. Il faut que l'amour nous donne rendez-vous. Vas-y, Léon, défends ton ministère. Vas-y, Léon, faut que Marianne ait raison, car Marianne est une meunière, et les ailes de son moulin doivent tourner pour les prolétaires, pour que le peuple ne crée plus de faim, de faim, de faim. Ce qu'il faut, Léon, secourir la vieillesse. Pas de médaille, mais du feu et du pain. Repose aux vieux, afin que la jeunesse puisse travailler et ne plus tendre la main. Vas-y, Léon, défends ton ministère. Vas-y, Léon, faut que Marianne ait raison, car Marianne est une meunière, et les ailes de son moulin doivent tourner pour les prolétaires, pour que les gueux ne créent plus de faim, de faim, de faim. Qu'il faut, Léon, montrer que la République ne peut pas vivre sans la liberté. Sans liberté, rien de démocratique. Sans liberté, pas de fraternité. Vas-y, Léon, défends ton ministère. Vas-y, Léon, faut que Marianne ait raison, car Marianne est une meunière, et les ailes de son moulin doivent tourner pour les prolétaires, pour que le peuple ne manque plus de pain, de pain, de pain. Affaires sensibles, Fabrice Drouin. À l'automne 1935, un programme commun de la gauche est rédigé par les cadres des trois partis de gauche, radicaux, communistes et socialistes, avec en ligne de mire les élections du printemps 1936. Ce programme s'articule autour de trois axes principaux. La relance économique, avec une politique de nationalisation et de relance par la consommation d'inspiration keynésienne chimiquement pure, la défense de la paix sur le continent européen et la défense de la démocratie grâce à la dissolution des ligues les plus violentes et enfin la promotion de l'école laïque. D'ailleurs, un slogan est trouvé pour affirmer ces trois principes, pain, paix et liberté. Quelques mois plus tard, le 3 mai 1936, les électeurs sont appelés à voter pour élire leur futur député. Eh bien, c'est un raz-de-marée pour les trois partis du Front Populaire. Sur les 608 députés de la Chambre, 386 appartiennent à la coalition. Ainsi, au lendemain des élections du 4 mai, on peut lire en une du Populaire, organe de presse de la SFIO. Le Parti Socialiste remporte une éclatante victoire. Sur 550 résultats connus, le parti obtient 145 sièges. À la séparation, la dernière chambre ne comptait que 96 socialistes. De son côté, le Parti communiste obtient 71 sièges. La réaction et le fascisme sont écrasés. En tout, la SFIO attire plus de 2 millions d'électeurs. Elle devient le premier parti de France. Au sein de la classe ouvrière, la victoire du Front Populaire fait naître un fol espoir. Et pendant tout le mois de mai, une immense grève générale s'étend dans tout le pays. Les travailleurs réclament des mesures sociales fortes et enjoignent les futurs dirigeants à aller plus loin dans leurs propositions. Dans la foulée des élections, le président de la République, Albert Lebrun, doit nommer le futur président du Conseil. Et, logiquement, il choisit le leader du premier parti, la SFIO, donc Léon Blum. quelques jours après la victoire, le 10 mai, mais oui, le socialiste de 64 ans prononce un discours à l'Assemblée qu'on appellerait aujourd'hui l'un discours de politique générale du Premier ministre, la feuille de route de son gouvernement. Le succès de notre entreprise, il suppose, je vais me servir d'un mot que vous avez beaucoup entendu dans un autre sens, il suppose la confiance, mais la vraie. Non pas la confiance mercenaire, la confiance sous condition de telle ou telle catégorie de possédants, mais la confiance du pays en lui-même. Et, après tout, ce beau mot de confiance, nous avons le droit de nous en emparer. Et je crois que j'aurais assez bien résumé l'ensemble de nos vues en disant que nous voulons tout à la fois ranimer la confiance de l'Europe pacifique en elle-même et ranimer la confiance de la France laborieuse en elle-même. Au même moment, dans tout le pays, les grèves se multiplient. Alors, Blum propose d'ajouter au programme plusieurs mesures sociales et de modifier profondément le code du travail. La semaine des 40 heures, les congés payés et les conventions collectives deviennent les mesures phares du Front populaire. Dans les semaines qui suivent, la situation se stabilise. Le gouvernement fait voter les réformes promises, nationalise les industries d'armement ainsi que le chemin de fer. À la tête du gouvernement, Léon Blum innove. Il redéfinit le rôle du président du Conseil en assumant frontalement son rôle de chef de la majorité, mais il crée aussi de nouveaux ministères, fait venir des jeunes et nomme des femmes à la tête de plusieurs secrétariats d'État, alors même qu'elles n'ont pas encore le droit de vote. C'est la définition même d'un gouvernement progressiste. Tous les gouvernements de gauche qui succéderont à celui de Blum revendiqueront ce label progressiste. En quelques mois, Léon Blum parvient à répondre à l'urgence sociale. Mais la crise économique se poursuit et les résultats peinent à voir le jour. La production ne redémarre pas, le chômage reste toujours aussi élevé. Alors, au début de l'année 37, le franc est dévalué et les réformes sont mises en pause. À l'époque, on n'appelait pas cela le tournant de la rigueur, comme on l'a fait en 82 sous le magistère de François Mitterrand et de Pierre Mauroy. On aurait pu résonance. Les prix grimpent et la gronde commence à se faire entendre du côté des électeurs de gauche. Et dans la foulée, les critiques pleuvent en provenance de toutes les cases de l'échiquier politique. À l'extrême droite, depuis l'élection du Front populaire, toute la haine que porte cette famille politique éclate. C'est une rage qui s'empare de ses dirigeants et des journaux qui lui sont affidés. Ainsi, dans toute la presse réactionnaire, une série d'attaques est orchestrée contre les responsables du gouvernement. Et bien sûr, Léon Blum est en première ligne. De nombreuses attaques antisémites sont relayées et les menaces pleuvent contre le leader socialiste. À l'image de cette sortie de Charles Maurras, le théoricien de l'ennemi intérieur que seraient les juifs, fantasme mortifère, Maurras appelle carrément au meurtre de Léon Blum dans les colonnes de son quotidien L'Action française. C'est en tant que juif qu'il faudra voir, concevoir, entendre, combattre et abattre le Blum. Ce dernier verbe paraîtra un peu fort de café. Je me hâte d'ajouter qu'il ne faudra abattre physiquement Blum que le jour où sa politique nous aura amené la guerre impie qu'il rêve contre nos compagnons d'armes italiens. Ce jour-là, il est vrai, il ne faudra pas le manquer. Il conviendra que M. Blum soit guillotiné dans le rite des parricides, un voile noir tendu sur ses traits de chameau. Il faut dire qu'à cette période, le spectre du retour à la guerre hante toute l'Europe. De l'autre côté du Rhin, le chancelier Adolf Hitler, alors au pouvoir depuis 4 ans, prépare avidement toute l'Allemagne à l'effort de guerre. Le Führer en est convaincu. Un deuxième conflit éclatera et pour l'emporter, il faut isoler la France. Conscient des menaces qui planent sur la paix en Europe, le gouvernement de Blum entreprend une politique de réarmement. Il doit rattraper le retard accumulé depuis que les gouvernements de Gaston Doumergue, puis de Pierre Laval, avaient, dès 1934, ordonné une réduction des dépenses publiques, y compris pour l'armée. Malheureusement pour Blum, la valse des gouvernements de la Troisième République continue. En effet, au début de l'année 1938, la situation économique s'aggrave, les réformes sont bloquées, le gouvernement du Front populaire est comme paralysé. Le 10 avril, Léon Blum présente sa démission au président Lebrun. À peine 2 ans, un bilan en demi-teinte, malgré les grandes réformes sociales et historiques, mais gâché à court terme par cette foutue crise économique. Sur la scène internationale, l'Allemagne d'Hitler se montre toujours plus agressive. La guerre semble inévitable. Lorsqu'elle éclate en 1939, la France est mal préparée militairement. On connaît la suite. L'armée française, considérée comme la première du monde après la victoire de 1918, est pourtant écrasée en quelques semaines. Le nouveau chef du gouvernement, Philippe Pétain, rend les armes en juin 40. La France capitule, les chars de la Wehrmacht s'installent. Hitler esquisse quelques pas de danse grotesques devant le wagon où la capitulation est signée dans la forêt de Rotonde. Ce menuet ridicule marque le début du cauchemar. Quelques semaines plus tard, Pétain obtient les pleins pouvoirs de l'Assemblée et se nomme lui-même chef de l'État français. Occupé par les Allemands, le pays est coupé en deux. Le gouvernement de Pétain s'installe à Vichy. Avec les pleins pouvoirs, le maréchal Pétain dispose des instruments nécessaires pour faire condamner n'importe quel dirigeant politique. 4 mois plus tard, le 12 février 1942, le procès de Léon Blum et d'Édouard Daladier s'ouvre à Rion. Les actualités françaises, sous contrôle de Vichy, diffusent ce reportage la veille de l'ouverture des débats. Du Portalet à Rion, chemin de la justice. Non loin d'Urdos, paisible village près de la frontière espagnole, se dresse le fort du Portalet, où étaient détenus depuis le mois d'octobre les principaux responsables de notre défaite. Dans la vieille cité de Rion, le palais se prépare au débat que le pays attend et où le procureur Cassagno prononcera son réquisitoire. Le poids des dossiers atteint 800 kilos. Les ouvriers ont pris possession de la salle des débats. Ici seront les accusés. Ici les juges. Vers la maison d'arrêt, la France entendra bientôt sonner l'heure de la justice. En tout, plus de 400 témoins sont appelés à comparaître. L'accusation tient à démontrer que les entreprises menées par le Front populaire ont affaibli la défense nationale et ont rendu les Français faibles et incapables de se défendre. Blum et Daladier doivent donc être condamnés à la peine maximale. Dès les premiers jours, les deux anciens présidents de conseil font le choix d'une défense offensive. Armés de leur verve et de leur sens de la provocation, ils démontent point par point les arguments des magistrats. Bientôt, malgré la censure, des fuites ont lieu et une rumeur commence à se répandre. Daladier et Blum, surtout Blum, auraient transformé leur procès en tribune contre le régime de Vichy. On appellerait cela aujourd'hui une défense de rupture. Et puis, le 8 avril 1942, l'ancien président du Conseil fait la déclaration la plus fameuse de tout le procès. Ce jour-là, il s'installe devant le pupitre et entame sa plaidoirie. En quelques minutes éblouissantes de logique, de clarté et d'émotion, le vieux socialiste enterre les arguments du ministère public. Blum défend son bilan bec et ongles et pointe les incohérences du dossier. C'est bien son gouvernement qui a remis des moyens dans la défense nationale, alors que ceux auxquels Pétain et son premier ministre Laval avaient participé n'avaient fait que voter des baisses de crédit. Mais surtout, l'ancien président du Conseil s'affirme comme le défenseur des valeurs qui ont fondé la République française et qui ont conduit le pays à sa gloire. Ainsi, les dernières phrases de son argumentaire que vous allez entendre disent tout de la brillance de l'argumentation démocratique face à la rhétorique pauvre, simpliste et mensongère d'un pouvoir totalitaire. Messieurs, j'ai achevé. Vous pourrez naturellement nous condamner. Je crois que, même par votre arrêt, vous ne pourrez pas effacer notre œuvre. Je crois que vous ne pourrez pas, le mot vous paraîtra peut-être orgueilleux, nous chasser de l'histoire de ce pays. Nous avons dans un temps bien périlleux, personnifier et vivifier la tradition authentique de notre pays, qui est la tradition démocratique et républicaine. Nous ne sommes pas, je ne sais quelle excroissance monstrueuse dans l'histoire de ce pays, parce que nous avons été un gouvernement populaire. Nous n'avons pas interrompu la chaîne. Et messieurs, par une ironie bien cruelle, c'est cette fidélité qui est devenue une trahison. Pourtant, cette fidélité n'est pas épuisée, elle dure encore, et la France en recueillera le bienfait. Dans l'avenir, nous plaçons notre espérance que ce procès dirigé contre la République, contribuera à préparer. Silence dans la salle. Après sa plaidoirie en forme de testament politique, Blum retourne s'asseoir. Le procès vient de basculer. Désormais, il devient celui des chefs militaires, Pétain en tête. L'imposture apparaît tellement flagrante que le maréchal doit suspendre les audiences le 11 avril 1942, après 2 mois de débat. Le gouvernement de Vichy enrage. Dans les maquis, la plaidoirie de Royon galvanise la résistance. Elle a montré Vichy sur la défensive en faisant remonter à la surface tout ce que Pétain voulait cacher au peuple. Ainsi, dans tout le pays, une bonne partie de l'opinion publique est gagnée par la force de la défense et les mots de Léon Blum. L'ancien dirigeant socialiste retourne dans sa cellule, heureux, conscient d'avoir remporté une bataille, celle des valeurs. Dans une lettre du 26 avril 1942, il écrit même « Le procès est mort et ne ressuscitera pas. Dans l'ensemble, je suis pleinement satisfait des résultats et je vous avouerai même que je ne suis pas mécontent de moi. Si la nation se réveille et se retrouve comme les événements de chaque jour le prouvent, notre procès y aura été pour quelque chose. Tout est donc pour le mieux. » Et une fois de plus, son intuition est juste. En France, le réveil vient de sonner, la résistance s'organise, Léon Blum a montré une nouvelle fois son sens aigu de l'histoire et du courage. Rap-a-rap-a-rap-a-rap-a, le colonel était dans la finance, le commandant était dans l'industrie, le capitaine était dans l'assurance et le lieutenant était dans l'épicerie. Le juteux était huissier de la Banque de France. Le sergent était boulanger-pâtissier. Le caporal était dans l'ignorance. Et le deuxième classe était rentier. Et tout ça, ça fait d'excellents Français, d'excellents soldats qui marchent au pas. Ils n'en avaient plus l'habitude. Mais c'est comme la bicyclette, ça s'oublie pas. Et tous ces gaillards qui, pour la plupart, ont des gosses qui ont leur certificat d'études. Oui, tous ces braves gens sont partis chiquement pour faire tout comme jadis ce que leurs pères ont fait pour leurs fils. Rap-a-rap-a-rap-a, le colonel avait de l'albumine. Le commandant souffrait du gros colon. Le capitaine avait bien mauvaise mine. Et le lieutenant avait des ganglions. Le juteux souffrait de coliques néphrétiques. Le sergent avait le pylore atrophié. Le caporal, un coryza chronique. Et le deuxième classe, des corps aux pieds. Et tout ça, ça fait d'excellents Français, d'excellents soldats qui marchent au pas, oubliant dans cette aventure qu'ils étaient douillets, fragiles et délicats. Et tous ces gaillards qui, pour la plupart, prenaient des cachets, des gouttes et des mixtures, lèvent la bien portant, tout comme à 20 ans. D'où vient ce miracle-là? Mais du pinard et du tabac. Rap-a-rap-a-rap-a, le colonel était de l'action française. Le commandant était un modéré. Le capitaine était pour le diocèse. Et le lieutenant bouletait du curé. Le juteux était un fervent extrémiste. Le sergent, un socialiste convaincu. Le caporal, inscrit sur toutes les listes. Et le deuxième classe au PMU. avec d'excellents Français, d'excellents soldats qui marchent au pas en pensant que la République, c'est encore le meilleur régime ici-bas. Et tous ces gaillards qui, pour la plupart, n'étaient pas du même avis en politique, lèvent la douce d'accord, quel que soit leur sort. Ils désirent tous désormais qu'on nous foute une bonne fois la paix. Affaire sensible sur France Inter. Aujourd'hui, Léon Blum, avec qui nous allons parler, dont nous allons parler, avec Frédéric Monnier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, spécialiste de la Troisième République. Vous êtes notamment l'auteur de Léon Blum, La morale et le pouvoir, paru chez Armand Collin en 2016. Au moment de l'arrivée au pouvoir de Pétain en 1940, quelle est l'image de Léon Blum en France, après avoir été président du Conseil, notamment? Alors c'est une image très dégradée, hein, parce qu'il a suscité pendant les années 1930, on l'a entendu pendant le récit, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de ferveur, mais aussi beaucoup de haine, beaucoup de détestation. Il a failli être lynché par la foule, une foule composée de militants d'Action française en février 1936, donc avant d'arriver à la tête du gouvernement. Et ce sont des haines qui n'ont pas désarmé par la suite, en dépit de la dissolution des ligues. Hein, on le voit bien aux menaces de mort, aux lettres anonymes qu'il reçoit pendant des années. Et avec l'échec du Front populaire, avec la crise politique en 1937-1938, son gouvernement démissionne en 1937, avec l'entrée en guerre, eh bien on peut dire qu'il y a un certain nombre de rancœurs qui se diffusent, et il est méprisé, y compris à l'extrême-gauche. Le Parti communiste publie des textes assez haineux fin 1939 contre Léon Blum, et au sein de son propre parti, il y a des socialistes qui... Qu'est-ce que lui reproche ? Se démarque par antisémitisme de Léon Blum à partir de 1938. Alors, Léon Blum, c'est la morale et le pouvoir, les deux. Et moi, ça me fait penser notamment à peut-être l'un de ses héritiers, Mendès France. C'est aussi la morale et le pouvoir, c'est aussi le Parti Socialiste, c'est aussi une certaine idée de la France, de la laïcité. Il y a une filiation comme ça. Est-ce que Blum a des héritiers identifiés ? Alors, Blum a-t-il des héritiers? Oui, et il a des héritiers. Puis il a eu aussi des gens qui se sont considérés comme ses disciples à un moment ou à un autre, parmi lesquels Pierre Mendès France, c'est certain. Et a remarqué, et c'est une chose un petit peu curieuse, qui est que ceux qui se sont finalement le plus illustrés dans le jeu de filiation avec Léon Blum, ce n'était pas nécessairement des socialistes. Pierre Mendès France n'était pas membre du Parti Socialiste. Oui, il n'était pas membre de la CFIO. Et il a été, malgré tout, formé par Léon Blum au gouvernement. La première participation de Mendès France, brève, très brève, à un gouvernement, c'est le deuxième gouvernement de Léon Blum, début 1938. Donc là, en dépit de la différence, je dirais, d'affiliation partisane, il y a cet effet de filiation que vous décrivez très bien, oui. Alors, on va en arriver au procès, qui est aussi le cœur de ce récit. À quel moment Pétain a-t-il l'idée d'enfermer Léon Blum ? Est-ce qu'il pense vraiment que Blum est l'un des responsables de la débâcle de 1940, ou s'agit-il d'une manœuvre délibérément cynique et politique ? C'est un adversaire politique, on aura sa peau. Alors, il y a deux choses. Il y a, je dirais, ce que Vichy, ce que Pétain en tête et son entourage immédiat à l'été 1940 souhaitent pour le nouveau régime qu'ils sont en train de construire. Et il y a ensuite le cas Léon Blum particulièrement. Vichy souhaite se démarquer de ce que ses partisans nomment l'ancien régime, c'est-à-dire le régime républicain. Et pour mieux se démarquer de cet ancien régime, quoi de mieux finalement que de faire un procès. Un procès qui est un procès politique, bien sûr, mais qui se définit comme un procès qui suit des règles de droit. Alors, ce sont des règles de droit absolument exorbitantes, hein, elles nous révolteraient aujourd'hui. Et oui, parce que, pardon de vous couper, mais on quelque chose de saisissant. On a entendu le maréchal Pétain dire « j'ai décidé l'incarcération d'eux ». Donc, c'est clair, il n'y a pas de séparation des pouvoirs, on est bien dans une dictature. Alors, on est dans une dictature, mais dans une dictature qui n'est pas totalitaire, et une dictature qui a besoin d'un certain nombre de corps constitués. Vous avez, dans le récit, fait allusion à cela à plusieurs reprises, et une dictature qui crée des juridictions d'exception. Il n'y a pas moins de 10 juridictions d'exception créées par Vichy en relativement peu de temps. La plupart sont compétentes en matière politique, et pour le cas du procès d'Orion, il y en a deux qui sont créées, ce qui explique au passage cette situation un peu ubuesque dans laquelle se retrouvent Daladier et Blum au moment où débute leur procès, début 1942. D'un côté, il y a une cour de justice, cour suprême de justice, qui est créée à l'été 1940 pour les juger, avec un crime qui est défini de manière rétroactive. C'est une monstruosité juridique, mais bon, voilà, c'est ainsi. Et puis, il y a, en 1941, autre chose, Pétain qui s'arroge lui-même le pouvoir d'édicter des peines, en s'entourant d'un conseil, un conseil de justice politique, ce qui fait que en octobre 1941, on a entendu pendant le récit le discours radiophonique de Pétain, le 16 octobre 1941, il annonce effectivement des peines. Des peines contre Blum, contre Daladier, contre Gamelin, etc. Et en même temps, dans le même discours, Pétain souhaite que le procès ait lieu. Donc le procès aura effectivement lieu quelques mois plus tard, en février 1942, alors que ils sont déjà condamnés par le chef de l'État. Parce que c'est le procès, donc Pétain va faire le procès à la fois de la République, de la démocratie, il y a de l'antisémitisme aussi, évidemment, chez les gens, Pétain, chez les gens qui entourent Pétain, et chez les gens qui promeuvent l'idée que soutient Pétain, enfin, on a bien compris, c'est clair. Donc il veut un procès pour ça, avant tout pour le procès de la démocratie, de la République. Le procès de ceux qui sont responsables, selon lui, et de la défaite, et aussi de ce qui a permis la défaite dans ce système de pensée, c'est-à-dire le déclin de la France. Et ceux qui ont permis cela, ce sont à la fois des individus et des collectifs. Alors les individus, ben, ils sont jugés à Rion, du moins une partie d'entre eux, et les collectifs sont poursuivis. Les collectifs, alors c'est les communistes, ben, le PCF est dissous dès l'entrée en guerre en septembre 1939, et Vichy poursuit la répression. C'est aussi les francs-maçons, la législation contre les sociétés secrètes est prise à l'été 1940, et évidemment ce sont les juifs, hein, le premier statut des juifs, on le sait, c'est celui d'octobre 1941, mais les premières mesures antisémites sont antérieures. Le procès d'Orion s'intègre dans ce système idéologique qui vise à stigmatiser, à punir, à réprimer les responsables individuels, mais aussi au regard de ce qu'on fait contre les groupes qui ont conspiré contre la France. Alors, ce procès pour Pétain, est-ce qu'on peut dire que c'est le procès de l'arroseur arrosé, vu la brillance de l'auto-plaidoirie de Léon Blum? Alors, c'est pas très simple pour Léon Blum que de prononcer cette plaidoirie, parce que les premières réactions qu'il a face au dossier d'instruction, l'instruction donc lui est communiquée, les pièces de procédure lui sont communiquées petit à petit, c'est de regarder ça comme un magistrat. Vous l'avez rappelé pendant le récit, Blum commence comme magistrat de l'ordre administratif au Conseil d'État. Et il l'écrit à plusieurs amis, il ne peut pas s'empêcher de regarder ce dossier d'instruction comme s'il était le juge. Il a du mal à endosser la posture de l'accusé. Bon. Alors c'est vrai qu'il a été aussi avocat. À partir de 1919, il a plaidé. Il n'a pas été un avocat très actif, mais il avait déjà tant de choses à faire par ailleurs. Donc il sait ce que c'est qu'une plaidoirie. Et là, fin 1941, il retrouve finalement quelque chose qui l'amène à prononcer sa propre plaidoirie, alors qu'il fait déjà appel à d'autres camarades qui sont ses avocats, Samuel Spanien, André Le Troquet, Félix Jouin en particulier. Donc il a des avocats, mais ça ne l'empêche pas, lors de cette séance, de se lancer dans un discours qui est finalement très, très Dreyfusard, hein, dans le ton. Il retrouve la ligne des Dreyfusards de sa jeunesse, si vous voulez. Est-ce qu'il met en avant le fait que ce procès est illégal? Est-ce qu'il considère, lui, qu'il n'a rien à faire là, que c'est tout à fait illégal de le juger? Alors, oui, il y a une illégalité. Simultanément, Blum se convainc qu'il faut utiliser l'arme du droit, ou défendre la cause du droit, si vous voulez, pour arriver à faire triompher la cause de la République. Donc c'est par l'arme du droit que la cause de la République peut triompher. Et c'est quelque chose qui est important dans son évolution personnelle pour Léon Blum. Par contraste avec ce qui s'est passé à Vichy en juillet 1940, c'est quelque chose qui n'a pas été évoqué dans le récit, mais qui mérite de l'être brièvement. Oui, je vous en prie, le 9 et 10 juillet 1940, Léon Blum est à Vichy avec les autres parlementaires français pour voter pour ou contre les projets de plein pouvoir constitutionnel attribués au maréchal Pétain. Et Léon Blum vote contre, mais il ne prononce pas de discours. Il se tait. Il reste muet. Alors il reste muet pourquoi ? Parce qu'il ne veut pas donner le signal d'une sorte de déchirement du Parti Socialiste. Il veut sauver l'apparence de l'unité du socialisme et donc il préfère le silence. Et à Rion, eh ben, il fait l'inverse. Il ne défend plus l'unité du socialisme, il défend la cause de la République. Oui. Et défendant la cause de la République, eh ben, il se fait son défenseur, son avocat. Et c'est le sens de la plaidoirie qu'il prononce. Alors, c'est aussi évidemment à travers Blum une histoire de la gauche en France. C'est clair. Hein. Quel genre de président du Conseil d'abord est Léon Blum dans sa façon de gouverner ? Là, on est entre 36 et 38. Oui, alors il gouverne pendant un an, de juin 1936 à juin 1937, et puis après, il a l'opportunité de présenter un autre gouvernement au début de 1938, mais en sachant que ce gouvernement ne dure que quelques semaines, hein, et est voué en quelque sorte à un échec annoncé. Mmh. Alors, il est un novateur, un réformateur, c'est certain, en ce qui concerne la technique du gouvernement, vous l'avez rappelé, il fait venir des femmes pour la première fois à des postes de sous-secrétaire d'État, mais l'équivalent de secrétaire d'État actuel, alors qu'elles n'ont pas le droit de vote et que finalement les oppositions politiques au suffrage féminin sont toujours les mêmes depuis 1919. Donc ça c'est audacieux déjà, rien. L'audace. Donc il change les choses de ce point de vue-là. Et en même temps, il est l'homme qui qui essaie de faire prévaloir une sorte de contrat passé avec les électeurs. Et ça c'est une vision très moderne de la démocratie, c'est peut-être, me semble-t-il, ce qu'il a de plus neuf à proposer aux Français pendant un an. Et le programme de Front Populaire, c'est un contrat moral passé avec les Français, et son gouvernement a pour but, dans toute la mesure du possible, de le respecter. Voilà. Alors en tant que socialiste, les socialistes de l'époque sont modernes, on remonte un peu plus loin, en 1920 il y a le fameux congrès de Tours, il y a la fameuse scission, on pourrait dire les marxistes d'un côté, les réformistes de l'autre, parmi lesquels les socialistes français qui font finalement leur Bad Godesberg avant l'heure, hein, 39 ans avant les sociodémocrates allemands, qui ont abandonné toute référence au marxisme. Les socialistes français, de ce point de vue, ont les idées assez claires et très vite. Hein. Alors, je vais vous surprendre, mais Blum n'est pas socialiste marxiste spontanément au moment de l'affaire Dreyfus, c'est-à-dire au moment où il rencontre Jean Jaurès et où finalement l'amitié entre Jaurès et Blum catalyse l'engagement, le premier engagement socialiste de Léon Blum. Il n'est pas marxiste à ce moment-là, mais en revanche il le devient. Il le devient profondément, on l'entend à un moment donné dans le récit lors de ce discours prononcé probablement après les émeutes de février 1934 en pleine rue, hein, où il célèbre le peuple ouvrier de Paris. Oui, c'est presque la commune. Blum est marxiste. Il l'a pas toujours été. Il l'a été de manière critique, il l'a été de manière compliquée, mais il l'a été profondément, en tout cas, dans les années 1930. Bien. Alors, je remarque que la gauche unie en 36 gagne, que la gauche unie en 1981 gagne, que la gauche unie en 1997 gagne. Et quand elle ne s'unit pas, elle perd, aurait-on, pour la gauche, comme avait dit l'excellent Jean-Louis Bourlange pour la droite. Il avait dit, on a la droite la plus bête du monde. Est-ce qu'on a la gauche la plus bête du monde ? Je vous pose pas la question. Mais on voit bien à travers l'histoire de la gauche en France que la victoire passe toujours par l'union. 36, l'union de la gauche, c'est une matrice de ce que seront les unions de la gauche. Alors, il y en a eu avant. Déjà, un recueil d'héritage. Et l'héritage là auquel des hommes comme Blum pensent, c'est l'héritage, je dirais, du bloc des gauches. Donc, avant-guerre. 24, le cartel des gauches. Voilà. D'accord. Non, alors ça c'est le cartel des gauches, mais avant la, la Grande Guerre, donc ce sont les élections de 1902, puis de 1906. Oui. C'est là un moment, bon, Blum est né en 1874, donc ça. À un moment où il est actif, il est adulte, et où celui qui est son mentor en politique, Jean Jaurès, est sur le devant de la scène. Donc c'est déjà quelque chose qui est en débat. D'accord. Et qui est en débat dans ces années 1900 parce qu'il n'y a pas de parti socialiste unifié. Le parti socialiste ne s'unifie qu'en 1905, et finalement il se désunit en 1920 autour de questions qui sont nouvelles. la révolution russe, la première guerre mondiale, puis des questions qui sont quand même, pour certaines, largement antérieures, des questions qui sont des questions de fond, qui expliquent qu'il y avait des dissensions, hein, dissensions surmontées en 1905, et des dissensions qui resurgissent en 1920. Merci en tout cas pour tous vos éclairages, Frédéric Monnier, autour de cette personnalité, l'histoire de Léon Blum. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le procès de Léon Blum, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour tout compte. Toute information complémentaire à notre émission. Merci à Michel Bézikian qui était à la technique aujourd'hui.